j'ai une folie de la dépense. J'aime encore la France, que j'suis pas un oncle. Les médias montrent, qu'est-ce que t'en penses? Qu'on aime les belles caisses, les bonnes œufs parlent de défense. Qu'on aime notre liberté, qu'est-ce qui t'offense? Dis-moi même qu'est-ce qui dérange. C'est la génération de l'immigration, on récupère ce qui manque. On va pas te mentir, si continue à foutre en l'air les ghettos de France, tu vas pas t'en sortir. Franchement j'suis paumé ou j'suis hal par leur désastre. Dès qu'est de leur mère, ils nous font galérer, c'est grave. L'État nous met au bord de la falaise. Sous contrat, deviens ton propre boss, voyage à l'aise. Loin des feux rouges, des villes qui éclatent. Des petites, un clic-clac, bang bang, tous les gars s'éclatent. Un univers plutocrate, on veut pas ta pitié, tes larmes, si tu ne portes aucun grade. En temps de crise, en temps de crise, en temps de crise, on prend les armes, ça fait des bêtements. En temps de crise, en temps de crise, en temps de crise, on prend les armes. En temps de crise, en temps de crise, en temps de crise, on prend les armes, ça finit bêtement. En temps de crise, en temps de crise, en temps de crise, on prend les armes. Si la ponctualité, l'aisance, la politesse ne marche pas, on passe aux injures et menaces et passage à tabac. Puisqu'on est bon qu'à se faire doubler, on va débattre. Viens ici, on va te faire tousser pour que tu déballes tout le vice qu'il y a dans ton cul. Monsieur le président, vous n'êtes pas grillé, vous êtes bientôt cuit. On va pas te mentir, si continue à foutre en l'air les ghettos de France, tu vas pas t'en sortir. Reproche de vivre les uns sur les autres, le soir cauchemar de voir les miens sur les vôtres. C'est la démerde quotidienne, l'argent remplace l'oxygène. Nouveau trader de l'économie souterraine. On fait notre billet sur la banquise, espérant ne pas finir dans une banque en temps de crise. Rien nous arrête, on décolle, avion, bagage, frais de passager, change de décor. En temps de crise, en temps de crise, en temps de crise, on prend les armes, ça finit bêtement. En temps de crise, en temps de crise, en temps de crise, on prend les armes. En temps de crise, en temps de crise, en temps de crise, on prend les armes, ça finit bêtement. En temps de crise, en temps de crise, en temps de crise, on prend les armes. Dans le crise, ça prend les armes.